Là, c'est le Saint-Sépulcre, construit à l'endroit où Jésus a agonisé sur la croix. Ça, c'est le mont Moria, d'où Mahomet est monté au paradis. Là-bas, le mur des Lamentations, une partie du temple bâti par le roi Salomon. Si Dieu n'est pas ici, il est nulle part. Nous avons le même Dieu, toi et moi. Je sais que c'est pas ton truc, mais je crois qu'on devrait prier ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. On a tous des rêves, on regarde le ciel, entend nos prières. Parce que la vie est dure et qu'elle blesse parfois, entend nos prières. Les épreuves sont dures, on se bat contre elles, entend nos prières. Si je pars demain, je garde la foi, il me reste au moins ça. Je veux que mes gens puissent grandir sans trop souffrir, et s'il le faut, mourir vite et être enterré selon leur rite. C'est horrible, mais un jour faudra bien qu'on rip éternelle ma musique. Quand les gens mettront repeat, que je re-rappe ce couplet comme j'ai couché mes épreuves. Dieu, donne-nous la santé, ce jusqu'à ce qu'on crève. Et dès que vient le cessez-le-feu, on lit, regarde un film, joue à un jeu, on en manque de merveilleux. Ici plus rien ne nous stimule, les nerfs des yeux, c'est la merde, rêvons un peu, y'a rien à faire, c'est mieux. Forcément, ils ont mystifié la matière. Fait du dounia, l'objet de grandes prières. C'est devant les liasses qu'on joint nos mains, ou bien colle nos fronts. On commence toujours à charrette, juste avant de toucher le fond. À l'aide, mes bouffons, t'es déjà mort. Ainsi font ceux qui vivant avaient déjà tort. On a tous des rêves, on regarde le ciel, entend nos prières, entend nos prières. Parce que la vie est dure et qu'elle blesse parfois, entend nos prières, entend nos prières. Les épreuves sont dures, on se bat contre elles, entend nos prières, entend nos prières. Si je pars demain, je garde la foi, il me reste au moins ça, il me reste au moins ça. Le front sol, les mauvaises idées au sale, te purifier si t'as pas d'eau, tu le fais avec du sable. La lumière m'a frappé, au décès dit ça, violent comme si un décès 10 m'avait tamponné le corps. Un dieu unique, un seul discours, les lignes du livre sacré, ses méthodes et ses cours. J'ai perdu deux neveux et trois potes normales. Ici la jalousie tue autant que le Glock. Des guerres de religion et d'ethnie, des détenus qu'on tout fait pour maintenir un train de vie. Les prisons sont remplies de rêves brisés, et les mosquées sont remplies de gens méprisés. On a tous deux anges autour de soi, t'as l'impression de te trouver quand tu trouves la voie. On sait notre date d'arrivée mais pas celle de départ. J'espère qu'elle sera comme un Renoir, un Max en retard. On a tous des rêves, on regarde le ciel, entend nos prières, entend nos prières. Parce que la vie est dure et qu'elle blesse parfois, entend nos prières, entend nos prières. Les épreuves sont dures, on se bat contre elles, entend nos prières, entend nos prières. Si je pars demain, je garde la foi, il me reste au moins ça, il me reste au moins ça. C'est parce qu'on regarde la vie et qu'on la trouve si belle. On a tous nos rêves, on prie pour demain. Envoie-moi une femme qui saura élever mes gosses, mes gosses. Une femme forte, forte, mais qui saura qui est le boss. Style, si la vie me touche, c'est elle qui tire. L'amour est la seule chose que ce monde est à offrir. En son absence, les hommes se blessent mal, mal par balles ou s'explosent. Mais je suppose qu'ils paieront toutes ces choses. Des fois je suis là à me poser des questions datées, conscient qu'à tout moment la foudre pourrait me frapper. Le choc de voir les gens partir, j'ai le cœur qui implose comme si c'était un martyr. Dieu, mon ange de gauche a vraiment trop de gouache. Il me tire vers les casous et ce foutu cash. Transmettre des valeurs et des biens à mes héritiers. Tu les touches, je te tue pour dire la vérité. On demande pardon quand les actes dépassent les pensées. Souhaite à chacun santé, amour et prospérité. On a tous des rêves, on regarde le ciel, entend nos prières, entend nos prières. Parce que la vie est dure et qu'elle blesse parfois, entend nos prières, entend nos prières. Les épreuves sont dures, on se bat contre elles, entend nos prières, entend nos prières. Si je pars demain, je garde la foi, il me reste au moins ça, il me reste au moins ça. On a tous des rêves, on regarde le ciel, entend nos prières, entend nos prières. Parce que la vie est dure et qu'elle blesse parfois, entend nos prières, entend nos prières. Les épreuves sont dures, on se bat contre elles, entend nos prières, entend nos prières. Si je pars demain, je garde la foi, il me reste au moins ça, il me reste au moins c'est ça. C'est parce qu'on regarde la vie et qu'on la trouve si belle. On a tous nos rêves